J'ai joué pour vous, le public, et j'ai choisi les meilleurs, enfin, à mon opinion, les chansons que j'aime moi-même, et je vais rejouer pour vous parce que c'était tellement bien la première fois. Donc, on commence avec Francine Roche. C'est celle qui habite ici dans les villes jumelles. Elle va chanter d'abord « Vive le vent » et ça va être suivi par « Les trois cloches ». Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Sur les longs chemins, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui souffle dans les branches, qui siffle la romance qu'il chantait petit enfant. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Rushing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Vive le vent, d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, d'hiver, boule de neige et jour de long, et bonne année grand-mère. Voici dans la nuit étoilée, un nouveau-né nous a donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour, à peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, comme éloigné, presque ignoré, voici qu'après 19 années, que rendez-moi le Jean-François. Prends pour épouse la douce Élise, blanche comme la fleur de pommier. devant Dieu dans la vieille église. Ce jour, ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent, leur voix d'écho en écho, merveilleusement couronne la noce à François-Nico. Un seul corps, une seule âme, dit le prêtre pour toujours. Soyez une pure flamme qui protège, qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, comme éloigné, presque ignoré, voici dans la nuit étoilée un cœur s'endort. François est mort, car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, obsédante et monotone. Elle redit au vivant, ne tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour. Vous trouverez sous son aile avec la vie. L'éternité de l'amour. Well, that was Francine Roche. Francine is a local person, sings quite often around the cities. She's originally from Canada, but I think these were extremely beautiful songs from her album called Joyeux Noël. If you were listening last week to the Christmas program, you would have heard several of her with her lovely voice. The first song was Vive le Vent. In French, that's Long Live the Wind, Jingle Bells. The second one was a very lovely rendition of Les Trois Cloches, The Three Bells. It tells the life of a boy, Jean-Nicole, and Jean-François-Nicole. The song was first made famous by Edith Piaf in, I don't know when, I think the 50s, along with Les Compagnons de la Chanson. It was sung in English, too, and it was called Jimmy Brown. Well, Olaf is not here tonight. He's not feeling quite well. I hope you're listening, Olaf, and you're feeling much better by now. Alors, maintenant on continue avec notre musique. Alors, ce sont les choix de l'année. Enfin, c'est les choix de Caril, parce que ce sont les chansons que j'ai beaucoup aimées pendant cette année. Vous allez écouter Édith Piaf. C'était du programme de Saint-Valentin. L'hymne à l'amour, une très belle chanson qui raconte la perte de le grand amour d'Édith Piaf, Marcel Cerdan. Marcel Cerdan était boxeur, il était aux États-Unis et il avait déjà des billets pour rentrer en France. Et Édith Piaf lui a téléphoné disant « Oh, tu me manques, il faut rentrer avant ». Donc, il a avancé son voyage et malheur, l'avion s'est écrasé et Marcel Cerdan a été tué. Donc, cette chanson est une réflexion de cet grand amour d'Édith Piaf. Ça va être suivi par

laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi. Was Edith Piaf. Emotion-filled singing, first of all, was a true story when she lost the great love of her life. The song was called Hymn to Love. The man in question was Marcel Cerdan. I believe he was the middleweight champion of the world at that time and had come to the United States for a match, a boxing match. Edith missed him so much, she called and said, oh, come back sooner. And he did get a ticket, and of all things, the plane crashed, and Marcel Cerdan was killed. So the song was a hymn to her love for Marcel Cerdan. The second number was called My God. And she said, I don't know if this one was for the same person, for Marcel Cerdan. She said, my God, leave him for me a little more. One day, one week, the time to adore each other, to make memories. Leave him for me. Leave him for me for only a month. And I think that's why Edith Piaf still touches hearts, is because of the emotion that she reaches. You're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol. Alors, on va continuer en français maintenant. Avec notre choix de l'année, alors mon choix, parce que ce sont des chansons que moi j'aime beaucoup. Vous allez écouter encore des chansons qui viennent de notre programme pour le Saint-Valentin. Et cette fois, c'est Francis Cabrel. D'abord, c'est Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Ça va être suivi par Cabrel qui chante Assis sur le rebord du monde. Et qui sait cet assis? C'est Dieu lui-même. J'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je

petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Des clip, crop, des... Bang, des... Bang, et des... Zitch, bam, pow, blop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait... Vlam, ça fait... Splash, et ça fait... Stop, ou bien... Bang, ou parfois même... Zitch, bam, pow, blop, wheel. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Whip, des... Clip, des, bang, des, blanc, et des, zitch, bam, pow, blanc, wheel. Viens avec moi par-dessus le building, ça fait wheel. Quand on s'envole et puis cool. Après quoi je fais tuk, et ça fait punch, bam, pow, blanc, wheel. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zitch, bam, pow, blop, wheel. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crack, pour te protéger, crack, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, zitch, bam. Well, that was Serge Gainsbourg and Brigitte Bardot singing, first of all, Bonnie and Clyde, about the notorious gang of two who shot their way across the Midwest in the 30s. The second one was a comic strip with, it was kind of fun because you heard all those bang, whip, zoom sounds there that sounded like a comic strip, didn't they? Serge Gainsbourg is no longer with us, but Brigitte Bardot, the former sex kitten, is alive and well and living in Saint-Tropez, I think, on the Riviera. She's devoted her life after films to helping out animals, abandoned dogs and cats, and all kinds of animals. So she probably has quite a few of them in her own home. Alors, you're listening to Bonjour Minnesota. I'm Carol, and take this number down because later we're going to have a giveaway, but not yet. Our number here in the studio is 612-341-0980. Mais d'abord, on va écouter Carla Bruni, l'ex-Madame Présidente de France. Elle va vous chanter Amoureuse, et ça va être suivi par Notre grand amour est mort. Mais d'abord, une annonce. Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true, and what you may not know is it's easy. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at KFAI.org. Donc voici, comme promis, c'est Carla Bruni, Amoureuse. Thank you.

les grands amours sont frêles, elles vacillent avec le temps. Les grands amours chancellent. Les grands amours sont folles, elles sont folles de leur tourment. Les grands amours cruels. Well, that was Carla Bruni, the former First Lady of France, married to Nicolas Sarkozy, singing, first of all, In Love. It appears that she is. The marriage has lasted. They have one child now. And the second song, however, is Our Great Love is Dead. Oh, my. Great loves can't survive long, they says, Our great love is dead, and we have to dress it in white. Oh, this is kind of gruesome here. Well, it's just like burying a person then. So, Carla Bruni singing about, first of all, falling in love, and then falling out of love. You're listening to Bonjour Minnesota here on radio station KFAI. I mentioned earlier we had a giveaway. Well, yes, and here it is. Coming up on Sunday, January 12th, 3 p.m., this Cafe Accordion Orchestra Afternoon Dance. And we are going to give, now hang on, don't call yet. I'm giving away one pair of tickets to the third caller. Our number, again, while the music is on, 612-341-0980. For a pair of free tickets to the Cafe Accordion Orchestra, January 12th, Sunday, 3 p.m. Donc, maintenant, on écoute. Je suis prête à prendre vos appels. I'm ready to take your calls. Et vous allez écouter Moran sur un prélude de Bach, suivi par Boom. Call now, 612-341-0980. Pair of tickets to hear the Cafe Accordion Orchestra. Je voudrais vous présenter le petit Kevin Mulligan. Number le petit 6, Nicolas Pismon. 312-341-0980. Qui peut dire les mots qu'on s'est jurés pour la vie entière? Ça me fait rêver. Ce matin, j'ai beau chercher tes yeux pour trouver la lumière. Tout se noie dans un brouillard épais. Il y a quelque chose qui a changé. Ça casse, on a beau. Comme un vase en cristal contre le mur. tout ce mal pour en arriver là. Qu'est-ce qu'on va en faire sans défaire rouge le partager? Trop tard ou trop tôt, peut-on jamais revenir en arrière quand on ne vit plus que des regrets? Il y a quelque chose qui a changé. Toi, les pieds dans les flaques.

she's my baby. We baba boo little don't leave me. Da ria da da da da da da. Da ria da da da da da da. La la la, la la la, ya la la la la. On se calme. La pendule fait tic tac tic tic. Les oiseaux du lac pic pac pic pic. Glou glou glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante l'envie bleue au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait, la biche aux abois fait, la vaisselle cassée fait flic flic flac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui les merveilles. Boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Oh, that was Mohan. I think she'd be really fun to have at a party. Her last one that she sang was Boom. It's a song written by Charles Tonnet, that great singer, composer from back in the 20s and 30s and 40s, but with Mohan's own touch. You're listening to Bonjour Minnesota here on KFEI Radio. It is a little after 9:07, and it is New Year's Eve evening. Drive carefully out there. Tonight we're playing music of, the ones that I like the best out of the whole past year. So on va écouter maintenant Paris Combo. Paris Combo n'était pas là, il ne jouait pas pendant 2 ans. Je crois que c'était parce que la chanteuse Belle du Berry et celui qui joue la trompette, David, avait un enfant, et alors il voulait rester près de chez eux, à Paris, où je ne sais pas exactement où il habite, mais ils sont de retour sur la route des concerts. Ils vont chanter et jouer à Paris le 29 mars au Trianon. Et maintenant, vous allez écouter deux de leurs chansons. D'abord, Lettre à P. Et bien sûr, P, c'est Paris. Cela parle de, on parle de la pollution à Paris. Et la deuxième, c'est Paris Combo avec Attraction. J'ai mangé de l'autocar avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite j'ai fumé une berline, pures essences raffinées de benzine. Paris, j'aime ton gasoil,

mon père. Je ne laisserai pas un mauvais zéphyr me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Mais si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. Je recherche vainement l'attraction terrestre ou s'il le faut lunaire qui me fera prendre position dans l'être extraordinaire. Hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Well, you heard Paris Combo with two numbers there. The first one was Lettre à P, Letter to P, well, Paris, of course. And then Attraction, which was the name of the album to Attraction. Paris Combo played here before at the Cedar Cultural Center when we were able to interview them. Belle Duberry, the singer and composer, she writes all the songs, all the music. Really a great talent. But they have been out for a year or two because Belle Duberry had a baby. But they're back on the circuit now, and I checked them out. You can look. They have a website, Paris Combo. And they are going to be playing, well, until they're going to Moscow in May. Surprising. A lot of, in Hong Kong? Hong Kong City Hall. They're going to be there on May 29th. So baby must be staying with grandma. They look like they've changed a few people. Well, the bass player is a different fellow. I wish they would come back here. They're a group of great talent and always put on a terrific show. Here's some announcements for what's going on in the Twin Cities. The Alliance Française, there's always something going on. Their winter session will start up on January 6th. They have things, all kinds of courses for everyone from beginners to those who want to do the intensive option that they call the TGV of French speaking, the TGV being the high-speed train. If you are you don't have too much time to commit, there's something called French for Travelers courses. You can look online at bonjour at afmsp.org. Or call the office, 612-332-0436. They do give you breaks if you enroll early. There's a break on the price. Some of the classes and workshops, which are one-day workshops, will include pronunciation. That will fill up quickly. La séduction à la française. Seduction French style, a seasonal vocabulary class so that you can wax poetic to your loved ones in French, en français. Valentine's Day is coming up. Des crêpes pour la chandeleur. Well, that's February 2nd, and it's traditional to eat crepe or pancakes on that day. A workshop, Discovering Matisse, an art history workshop. And Le Monde Francophone, travel the world without leaving your classroom as you learn about French-speaking countries outside of France. There's a person named Clément Lay at the Walker Art Center will be performing Thursday, Friday, and Saturday, January 23rd and 24th and 25th. At 8 p.m., there is a reduction for Alliance Française members. He's humorous. He's a solo performer. He mixes performance art, philosophy, and dance with a Chaplin-esque virtuosity. Well, this picture shows him balancing a glass of water on his head for the duration of the performance. So, let's see if you're interested and you're an Alliance Française. You can call for info or advanced ticketing at 612-332-0436. Or you can just simply present your card at the box office. A breakfast, Le Petit Déj Breakfast Conversation Group. Coffee Conversation and Bread Smith. Bread and croissant, I believe. Saturday, this is coming up Saturday, January 4th, 9:30 to 11:30 at the Alliance Française. It's free and open to the public every first Saturday of the month. It's a lot of fun, too. You meet interesting people there. There is a vernissage, that's an art opening, with Madeleine Lory coming up on Friday, January 10th from 5 to 7, and the screening of a French film by the group that calls themselves the Cine Club. That, too, is free and open to the public. The artwork is by member Madeleine Lory. A collection of her abstract paintings will be there. And then they're going to kick off with Love à la Française, the offering leading up to Valentine's Day. That's January 10th. Apéro en Français, Thursday, January 9th, from 6 to 7:30 at the University Club, 420 Summit Avenue, St. Paul. Have a glass of wine and open conversation every second Thursday of the month. There are several book clubs for beginners and for intermediate and advanced. Coming up at the Alliance, the intermediate readers will meet Wednesday, February 5th, 6 to 8 p.m. at the Alliance. And the easy readers will read a piece of pièce de théâtre, Le Dîner des Cons, which is an extremely funny movie. I did not see the movie, the play. This is the Dinner of Jerks. That'll be a lot of fun for beginners. A special performance by the Rose Ensemble called Martin's Cloak. This will be chant, poetry, and prose from Minneapolis Sister City Tour, February 14th, 15th, and 16th. The Rose Ensemble's Twin City performances. The Alliance Française members, again, have a reduction. You can call the Alliance for the code number. The Alliance number, again, is 612-332-0436. And that's it. But there's a couple of other announcements of things going on. La soirée pull moche. The ugly sweater party. This sounds like a great fun for Jeune Cadre Dynamique, the young people, on January 22nd from 6 to 9 at Honey, Minneapolis, for their second annual soirée pull moche, the ugly sweater party. Dig out your ugliest sweater and get ready to hit the dance floor with DJ Bach. There is an admission charge, discounted for members. Oh, and the last announcement, song recital and Fête des Rois. Well, the last part of the Christmas celebration in France is King's Day. And in France, they serve this huge pastry cake called La Galette. And hidden inside, well, it used to be a little statuette of the baby Jesus, but now I think they're afraid of people breaking their teeth, so they put in an almond or maybe a little bean. So they are going to have a party January 12th at 3 p.m. for a song recital with pianist Marc Bilieu and mezzo-soprano singer Claire Osowski, who will perform a series of French classic repertoire. And also, in celebration of the La Fête des Rois, King's Day, the Alliance will be serving traditional galette des rois. And start the new year à la française with this traditional event. And that's it for announcements. On va retourner à notre musique. Alors maintenant, on va écouter... Ce sont mes chansons favorites, mes chansons préférées de ce qu'on a joué l'année prochaine. Alors maintenant, vous allez écouter Enzo Enzo. Oui, c'est une femme. Et le titre de la chanson, c'est « Juste quelqu'un de bien ». Et ça va être suivi par San Severino, « Mal aux mains ». Devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À

les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Charles Trenet sang for you songs that he wrote. First of all, The Sea. A beautiful, beautiful description of the sea. France is surrounded by oceans. It's a five-sided figure. Or, no, six, sorry, hexagon. And there's sea all around them, so it's dear to the heart of the French people. And he said at the very end, it has cradled my heart. Then the second one was Douce France, Sweet France. And anybody away, our friend Louise said this always gives her a little tug at her heart. It's a lovely description of France and a description that Charles Trenet says it's a song, it's a plea of my country, of my childhood, and a very wonderful song it is for France. Maintenant, je chante encore une chanson que moi j'aime beaucoup. Nana Mouskouri, je chante avec toi, Liberté. C'est une chanson basée sur Nabucco. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Pour toi, liberté. That was Nana Mouskouri. Je chante avec toi, Liberté. I'm singing with you, Liberty. And that was based on Nabucco, the opera by Verdi. And what a magnificent chorus there was. This past year, we met a charming woman harpist, a French woman, named Avril, with two L's at the end. And I think she's a very talented person. This song is in English, but n'importe. It's written by John Lee Hooker. Boom, boom. I'm gonna shut you right down, right off your feet. Take you home with me. Bum bum bum bum. I'm gonna shut you right down, right off your feet. Take you home with me. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. How, how, how, how. Mm-hmm. Hey, guys. Bum, bum, what do you think of that lady? Don't you think she looks great? Yeah, she does look great. She looks wonderful. Hello. I love her voice. I love everything. The way you walk, I love the way she talks, up and down the floor. And you know what? You know what? I want her to be my wife. I'm gonna ask her. I'm gonna ask her real soon. I love. Yeah, for sure she'll say yes. The way for sure you talk, she'll say yes. That baby talk. Oh, oh, oh baby. When you walk that walk, when you talk that talk, when you talk that talk, whisper in my ear, whisper in my ear, tell me that you love me. Oh baby, I love that talk, I love that talk, baby, whisper in my ear, tell me that you love me. Talk, baby, I love that talk, I love that walk, I love everything. I love the talk. Love the talk. When you walk that walk and talk that talk, whisper in my ear. That was Avril, A-V-R-I-L-L, with Boom, Boom, Boom. Time to say goodbye. And here is Lucie Terrien with Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Bonne année à tout le monde et bonne santé, Olaf, et à tout le monde. Au revoir, à la semaine prochaine. Avant de nous quitter, amis, chantons avec amour. Gardons dans notre cœur l'espoir de nous revoir un jour. Ce n'est que nous revoir, amis. Ce n'est You're listening to KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. Excellent. And he's going to be doing Mladecki dance. And after that, who knows where this show will wind up. I am Subsonic Stu. Enjoy the ride.